entre lui puis nous autres, c'est pas personnel comme ça peut l'être entre nous autres et Gabriel Nadeau-Dubois là. Ben, c'est, je veux dire, j'ai pas le goût de l'envoyer chier au bureau plus loin, contrairement à Gabriel Nadeau-Dubois. Moi, discuter avec des gens qui niaisent pas le monde, qui font pas de la menace et de l'intimidation, puis qui se pensent tellement brillants, là. Ah, j'ai utilisé les bons mots, puis ça paraît pas. C'est pas pour rien qu'un juge l'a replacé, là, Gabriel Nadeau-Dubois. Il y avait des raisons pour ça, là. Moi, discuter avec des gens qui voient pas la vie de la même façon. Je trouve ça enrichissant. Ouais. De deux, je trouve ça le fun. Puis de trois, je me dis, être d'un char, puis écouter un échange d'idées, ça me permet de me faire une tête plus que si on est six à se parler et qu'on est tous d'accord. Puis même dans le gros du conflit du printemps passé, c'était toujours agréable de parler à ce gars-là. En tout cas, moi, j'ai trouvé, là, même en n'étant pas d'accord, en s'astinant un peu. Il a pris vite la cassette, hein, par contre, la cassette du politicien. Ouais, c'est pas long, là, hein? C'est les lignes c'est de presse. Là, ça, il a pris ça vite un peu. Ouais. Pis, ça, c'est peut-être un peu dommage. Puis, mais c'est ça. Moi, c'était quand même quelqu'un que je respecte. Ouais. Bureau.